Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron. L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions. Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ? Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, nous vous proposons de redécouvrir une série d'émissions sur Jacques Lacan, diffusée pour la première fois en mars 2018. Aujourd'hui, je suis celui qui a lu Freud, en compagnie de Paul-Laurent Hassoun. Comment parler de psychanalyse au XXIe siècle sans avoir, dans la tête, la bande originale des films de Woody Allen ? Et c'est tant mieux, car la musique de Sidney Bechet a cette vertu d'intensifier la moindre prise de parole. Cette mélodie de Sidney Bechet a un titre lacanien. Elle s'appelle « Si tu vois ma mère ». Et c'est la question qu'a posée Gérard Miller dans son documentaire sur Lacan. Qu'est-ce qui vous a frappé la première fois que vous l'avez vue ? Et il s'agissait non pas de sa mère, bien sûr, mais de Lacan. La précision parfois s'impose. Ah, une gentillesse extraordinaire. Une attention que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Voilà, une présence attentive. Tous les mots avaient un poids, avaient une importance considérable. Tous les mots qu'il prononçait ou qu'on prononçait soi-même ? Que l'on prononçait soi-même, par son écoute. Même quand on parlait de choses tout à fait banales, des choses du quotidien, mais qui venaient là dans les séances, il avait une manière de les écouter en les reprenant, que ça en faisait comme des objets précieux à travailler. J'ai souvent entendu dire que Lacan s'occupait à toute autre chose. Lacan s'occupait surtout à écouter celui qui lui parlait. Lacan savait les mots qui avaient compté pour quelqu'un et il savait les utiliser à bon escient. Ça faisait mouche. Quand il avait extrait de ce qu'on lui disait un mot, une phrase, un souci de dire à chacun « ça c'est votre musique, ça c'est bien vous, vraiment vous y tenez », ce genre de ponctuation touchait à chaque fois, en effet, un noyau tout à fait central et donnait l'idée que il avait enregistré. Bonjour Paul-Laurent Hassoun. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne, psychanalyste. Vous avez écrit un que sais-je sur Lacan, justement, aux éditions PUF. Est-ce que vous faites partie de ces psychanalystes qui avaient été en cure avec Lacan ? Non. Jamais ? Non, jamais. Alors comment êtes-vous venu à Lacan ? Alors, de formation d'origine, je suis philosophe. Et donc, à un certain moment de mon trajet, il y avait un certain fantasme encyclopédique, fantasme, j'ai essayé de le réaliser, qui fait que pour moi, enseigner la philosophie, c'était faire le cours intégrant l'ensemble du savoir de l'homme. Donc, à un certain moment, je fais de la science politique, j'ai fait donc aussi de la psychologie, et à l'intérieur de la psychologie, j'ai rencontré la psychanalyse. Évidemment, cette rencontre de la psychanalyse a, si je peux dire, fait un peu imploser l'idéal encyclopédique, quoique je garde toujours cette dynamique transdisciplinaire, parce que c'est un savoir d'une extrême singularité et qui, en même temps, n'a pas mis totalement au chômage, si je peux dire, ma pratique du concept. Voilà. Et c'est dans cette perspective que j'ai lu Freud très attentivement. Mon premier texte était sur Freud, la philosophie et les philosophes. Mmh. Je m'étonnais que les philosophes traitent au fond si bien Freud, dans la mesure où lui avait refusé d'une certaine façon un certain philosophisme. Et c'est ainsi que j'ai été amené, pour aller très vite, à enseigner à Paris 8, qui était le département lacanien. Et j'étais freudien foncièrement. Hein. Voilà, je ne parlais pas de Lacan à l'origine. Quoique lisant Lacan, j'ai eu toujours l'expérience qu'il y avait une vivification, si je peux dire, de l'apport freudien à travers Lacan. Ce qui fait que, contrairement à certains qui lisent Freud à partir de Lacan, je suis l'ordre chronologique. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette dynamique et notamment l'ambition de retour à Freud, retour vivant à Freud. Que revendiquait Lacan. Mais alors ça veut dire que c'est par ses écrits que vous l'avez rencontré, la différence des témoignages qu'on a entendus dans le documentaire de Gérard Miller. Hein, il s'agissait de Lilia Majoub, Guy Briol et Éric Laurent qui parlaient de la personne Lacan. On peut vraiment distinguer les deux ? Alors, je dois dire, ça rentre dans la biographie, que j'ai rencontré Lacan une seule fois. Alors, à l'époque, jeune professeur de philosophie, n'est-ce pas, on m'avait dit, un analyste déjà connu, m'avait dit que Lacan avait lu mon livre, justement, Freud, la philosophie et les philosophes, voilà. Et qu'il avait même trouvé annoté sur son bureau, ce qui pour moi était évidemment très, très flatteur. Et donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. La rencontre a été assez brève, mais enfin, voilà, il m'a regardé. Alors, je m'attendais à un dialogue, mais je ne savais pas qu'il fallait d'abord faire entendre, évidemment, celui qui parlait. Et je lui ai demandé ce qu'il pensait de mon travail. Enfin, voilà. Et il m'a répondu, c'est excellent, tout à fait excellent. Voilà. C'est-à-dire qu'il me renvoyait aussi en même temps le désir que j'apportais. C'est pas sans rapport avec ce qui a été dit tout à l'heure, hein, de telle sorte qu'à partir de là, j'ai enseigné à Paris 8 en tant que chargé de cours, hein, parallèlement à mon enseignement en philosophie. Et pour chaque concept, chaque notion clinique, je me suis forcé de rappeler d'où Lacan partait. À travers Freud, et la coupure, car il y a chez Lacan, on va sans doute en parler, un retour, mais aussi un différent, avec au Freud, sens où Lyotard parlait d'un différent, mais dans un tout autre contexte. On va en effet en parler. Avant cela, il est vrai que les personnes qui parlent de Lacan, qui l'ont côtoyé ou qui travaillent sur ces textes, ont un rapport avec Lacan qui parfois est celui d'une forme de modèle ou de maître qu'on aimerait suivre, comme si vous étiez autant d'élèves de ce maître Lacan. Il y a ce mythe Lacan qui surplombe beaucoup de discours psychanalytiques. Écoutez, c'est pour ça que je vous ai parlé avec la mère. C'est comme si c'était finalement voilà celle ou celui que l'on admire et qui vient adouber alors, votre travail. Vous dites, il a dit de votre travail qu'il était excellent, comme si c'était une garantie de pouvoir continuer. Moi, je veux dire, dans mon histoire, j'ai eu d'abord un rapport au père mort et étonnamment vivant qui est Freud, qui est quand même une œuvre d'une vitalité extraordinaire, et non pas au maître vivant qui était Lacan. Mais vous voyez, c'est un peu naïvement, il n'y en a pas 36 des gens comme ça. C'est-à-dire qui se maintiennent dans une constance. Lacan parlait de la sublimation qui est une forme de constance, comme dans l'œuvre, et donc qui, enfin, dit plus trivialement, qui ne lâche pas le morceau. Quoi, voilà. Et donc, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était d'abord de lire Freud. Ensuite, je suis devenu analyste. Naturellement, j'ai vu la portée clinique de ce que disait Freud. Je suis quand même parti du texte, d'abord. Hein. Et à chaque fois, en lisant Lacan, j'ai vu une relecture, une certaine façon de ne pas être à côté de la plaque. Quoi. Voilà. Alors, quelle différence y a-t-il vraiment entre Freud et Lacan d'un point de vue théorique ? Lacan s'en explique, c'était en 1976, lors d'une conférence, où il va prononcer cette expression de « retour à Freud ». Cet inconscient dont on parle sans faire plus que de se fier à une imagerie aussi antique que grossière, mais qui, par Freud, a surgi pour désigner quelque chose de jamais dit jusqu'à lui. Ce qu'il convient d'en articuler comme étant sa structure, c'est le langage. C'est là le cœur de ce que j'enseigne, c'est là aussi, sous sa forme la plus tempérée, que je maintiens de cette voix basse où Freud signale le ton de la raison, ce que j'ai trouvé au départ dans ce retour à Freud. Pourquoi retour à Freud de Paul-Laurent Hassoun ? Parce qu'il s'en est d'abord distinct, il s'en est éloigné pour mieux y revenir ? Alors d'abord, Lacan est un psychiatre à l'origine, voilà. Il rencontre l'œuvre de Freud, il a fait sa thèse en 32 sur la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, qu'il a envoyé à Freud. On a juste une réponse de Freud, une carte postale, « Danke für Ihre Zusendung », c'est-à-dire « Merci pour votre envoi », un accusé de réception, et plus jamais on a trouvé, ça serait un scoop, un passage de l'œuvre ou de la correspondance de Freud où il a parlé de ce jeune psychiatre, trentenaire, voilà. C'est parti de là, hein. Alors, Oui, le retour à Freud, dit-il, au sens de Freud. Retour au sens de Freud, voilà. La conviction de Lacan, c'est que le message de Freud, et c'est toute l'histoire de son rapport à l'institution analytique, hein, pas seulement à la théorie, le message de Freud n'a pas eu la réception qu'il méritait, qu'on n'a pas été à la hauteur de cette expérience de langage. C'est banal de dire que la psychanalyse est un langage, on ne fait que ça en psychanalyse. Des mots, hein. Mais d'une certaine façon, toute, notamment la psychologie du moins anglo-saxonne, qui est un peu sa tête de turc, hein, revient à centrer sur les processus du moi, là où il s'agit essentiellement du langage. Voilà. Et à partir de ce moment-là, Lacan, sans un sens ambigu, c'est ça qui est intéressant, le retour, c'est pas retour à la case départ, n'est-ce pas ? Il dit en 66, au moment de la publication des écrits, « Je suis celui qui a lu Freud ». On pourrait dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont lu Freud. Oui, comme s'il était le seul. Oui. « Je suis celui qui a lu Freud ». Oui, mais lu... C'est la lecture, enfin, quand il dit à un certain moment qu'on sait lire depuis, par les Juifs, depuis l'exil de Babylone, c'est au sens du rapport à la lettre, voilà. Mais, bon, on pouvait l'entendre au sens de, c'est modeste, hein. Sauf que la lecture et la relecture de Freud, voire la réécriture de Freud, car Freud est un métapsychologue, alors que chez Lacan, on va avoir une théorie du langage, une mathèse, enfin, une mathésis, un savoir qui exige cette relecture. Vous savez qu'à la fin de sa vie, enfin, à Caracas, n'est-ce pas, il dit, n'est-ce pas, libre à vous d'être lacanien, hein, si vous voulez. Moi, j'entends si ça vous chante. Hein, moi, je suis freudien. Il paraît qu'il frappait, n'est-ce pas, sur la table en disant ça. En 80, n'est-ce pas, c'est les derniers moments où il dit qu'il est freudien. Mais naturellement, on n'a pas besoin d'un second Freud. D'une certaine façon, Lacan voulait en même temps revivifier la problématique de la psychanalyse. C'est ainsi qu'il fait une alliance avec Saussure, avec Lévi-Strauss, n'est-ce pas ? Donc des structuralistes contemporains. Oui, voilà. Mais lui dit un structuralisme ne durera que ce que durent les roses. Par contre, il n'est pas les ismes. Oui. Voilà, les structures, c'est le réel. Voilà. C'est le langage ou le langage, c'est l'inconscient, les structures, c'est le réel. C'est voilà, d'une certaine manière. Voilà. Et il dit aussi quand même, Freud incompris fuse de lui-même, ce qui est quand même énorme. Ça veut dire que Freud n'aurait pas totalement compris la portée de la révolution qu'il produisait, et c'est pourquoi Lacan est nécessaire. Lacan serait en quelque sorte le traducteur de Freud. Oui, c'est un bon terme en effet. C'est-à-dire que après, il faut retraduire Lacan parce oui, c'est que Lacan. Ça. Et il parle de son gongorisme en faisant référence à ce poète espagnol, n'est-ce pas, extrêmement précieux, opaque. Mais c'est comme une langue étrangère, n'est-ce pas? Quand vous la connaissez pas, elle est opaque. Quand vous la connaissez, vous vous demandez comment vous avez fait pour ne pas la comprendre tout de suite. Ben, on va essayer d'apprendre à parler Lacan ensemble aujourd'hui, Paul Laurence. Assoun, voici un texte qu'on trouve dans ses écrits, le premier volume, La chose freudienne ou sens du retour à Freud en psychanalyse, lu par Vincent Schmitt. Le sens d'un retour à Freud, c'est un retour au sens de Freud. Et le sens de ce qu'a dit Freud peut être communiqué à quiconque, parce que même adressé à tous, chacun y sera intéressé. Un mot suffira pour le faire sentir. La découverte de Freud met en question la vérité, et il n'est personne qui ne soit personnellement concerné par la vérité. Avouez que voilà un propos bien étrange que de vous jeter à la tête ce mot qui passe presque pour malfamé, d'être proscrit des bonnes compagnies. Je demande pourtant s'il n'est pas inscrit au cœur même de la pratique analytique, puisqu'aussi bien celle-ci toujours refait la découverte du pouvoir de la vérité en nous et jusqu'en notre chair. Si Freud n'a pas apporté autre chose à la connaissance de l'homme que cette vérité qu'il y a du véritable, il n'y a pas de découverte freudienne. Son objectivité est strictement liée à la situation analytique, laquelle, entre les quatre murs qui limitent son champ, se passe fort bien qu'on sache où est le nord, puisqu'on l'y confond avec l'axe du divan tenu pour diriger vers la personne de l'analyste. La psychanalyse est la science des mirages qui s'établissent dans ce champ. Expérience unique, au demeurant assez abjecte, mais qui ne saurait être trop recommandée à ceux qui veulent s'introduire au principe des folies de l'homme, car, pour se montrer parente de toute une gamme d'aliénations, elle les éclaire. Lacan est à Vienne, nous sommes le 7 novembre 1955, lorsqu'il prononce ce texte dans une clinique neuropsychiatrique. Il réfléchit à ce qu'il appelle la place d'un prophète, il parle du message freudien qui retentit avec des résonances et étend ses ondes. L'extrait que nous venons d'entendre est tiré d'une sous-partie nommée « L'adversaire » et voici qu'il décrit la psychanalyse en des termes assez étonnants. Il parle d'une expérience unique, au demeurant assez abjecte, dit-il, mais qui ne saurait être trop recommandée à ceux qui veulent s'introduire au principe des folies de l'homme, car pour se montrer parente de toute une gamme d'aliénations, elle les éclaire. Mmh. Voici le rôle et la fonction de la psychanalyse pour Lacan à la suite de Freud. Paul Leroy Assouline. Oui, d'abord, quelle langue française y parle ? Hein, pour le coup, le texte est compréhensible. Il est compréhensible, mais parfois il écrit trop bien pour être compris immédiatement. C'est-à-dire, voilà, c'est le paradoxe, c'est-à-dire une langue extrêmement rigoureuse. Hein, voilà. Alors, effectivement, d'abord, ce gros mot « vérité », il le pose. Oui, il dit que la psychanalyse est affaire de vérité. Voilà, à l'époque où certains jouent enfin, le jeu de discréditer la psychanalyse comme une sorte de fiction, il affirme, expérience à l'appui, que l'analyse a affaire à la vérité. Mais naturellement, pas à la vérité elle-même. Sinon, on serait dans la paranoïa. Pas la vérité majuscule. La vérité en tant qu'elle est astreinte au langage et au sujet. Au sujet parlant qui lui-même est divisé. Divisé entre le savoir qu'il a de lui et sa vérité. Voilà. Simplement, nous avons sur les bras, quand on est analyste, dans cette perspective, un très gros morceau de vérité humaine, n'est-ce pas ? C'est une anthropologie vivante, une anthropologie concrète, voilà. Le sujet, n'est-ce pas, prend toute sa valeur à partir du moment où il se confronte à cette division interne, ce qui produit naturellement du symptôme. Hein. Mais naturellement, le symptôme n'est pas au sens médical une dysfonction, une lésion, c'est le retour de la vérité du sujet. C'est assez formidable parce que ça veut dire que même on peut relire Descartes en montrant que Descartes a mis toutes les vérités en Dieu et le savoir dans le cogito, hein, dans le je pense. Mais la vérité ne cesse de faire retour, ce qui produit du symptôme. Hein. Ce qui fait que le sujet est foncièrement intéressant à partir de cette dépendance envers le langage. Hein. Qu'est-ce que c'est un symptôme, par exemple ? Alors, un symptôme, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord, étymologiquement, ce qui tombe mal. Hein. Littéralement, c'est un faux pas, un symptôme. Hein. Sauf que ce qui fait boiter ici, enfin, quand un médecin a fait un symptôme, il cherche très légitimement la lésion et désormais le corps est visible, plus que visible. Et il y a des choses qu'on peut pas scannériser néanmoins, qui sont les effets qui peuvent être fortement corporels, n'est-ce pas, du retour de cette vérité dont le sujet ne veut pas. Ce qu'on appelle assez platement les symptômes psychosomatiques, alors que c'est les effets de la vérité qui sont à la fois dans le langage, car tout n'est pas langage, n'est-ce pas, et dans le réel, et dans le corps, voilà. C'est-à-dire que, au fond, quand je fais un symptôme, je me démontre que je ne peux pas me débarrasser d'une vérité qui continue à me tenir, alors même que je veux l'expulser ou la dénier. Voilà. Et Lacan dit aussi, que, contre Sartre, qui disait que l'homme a une passion vaine, non, l'homme a une passion, c'est celle du signifiant. Voilà. Mais est-ce que le risque n'est pas de tomber dans une visée interprétative un peu excessive où on considérait que dès lors qu'on a mal au genou, c'est qu'on a mal, le couple va mal parce qu'on a mal au jeu dans le nous, dans une espèce de caricature de Lacan ? Ça serait confondre Lacan avec Rodeck, voilà. C'est-à-dire avec cette idée que le ça, ça parle. D'ailleurs, il y a des choses très, très intéressantes. Parce que tout n'est pas symptôme. Voilà. Bien sûr, tout n'est pas symptôme. Et c'est là où Lacan introduit cette trilogie, n'est-ce pas, qui n'est pas freudienne, hein, mais le symbolique, d'abord il est parti de l'imaginaire, du spéculaire, c'est-à-dire du stade du miroir. La balayette, dit-il, quand même la balayette quand on voit ce que c'est. Hein. La balayette ? Et oui, c'est quand même ce petit instrument pour dans les toilettes, pour enlever les résidus. Vous savez pourquoi ? Parce que ça semble péjoratif. Mais Lacan ne voulait pas qu'on dise « Ah, Lacan, c'est, vous savez, le stade du miroir », parce que c'est assez vite repérable, n'est-ce pas, que l'enfant rencontre entre 6 et 18 mois sa propre image. Hein, on peut la photographier hein, dans les familles. Hein. Mais il va beaucoup plus loin. C'est pas simplement l'expérience du miroir par lequel le moi se concrétise, mais c'est toute cette dimension de l'imaginaire ou du spéculaire, du latin speculum qui veut dire miroir. Mais dès lors, la grande idée de Lacan, un peu comme, ça me vient à l'esprit en tant que, j'ai une mémoire de ma formation philosophique, Kant qui dit qu'il faut toujours situer toutes les formes de connaissances dans la sensibilité, dans l'entendement, dans la raison, et bien pour lui, il a cette trilogie, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, le rapport du moi à sa propre image. Alors, on va en reparler, mais en un mot, hein, pour le dire, tout ce qui est de l'ordre du symbolique. Alors oui, imaginaire, symbolique. Ce qui renvoie au langage et au grand autre qu'on va évoquer. Oui. Pour certains, le grand autre, c'est métaphysique, c'est théologique. Non, c'est de la structure. Et enfin, le réel. Et on peut dire que Lacan a commencé par l'imaginaire, il a fait droit au symbolique. Et c'est vrai que le dernier Lacan parle du réel et d'ailleurs de la jouissance. Donc voilà. L'imaginaire, le symbolique et le réel, c'est la structure, j'allais dire du réel, mais non, parce que le réel n'est qu'une partie de sa structure. Donc, qu'est-ce que c'est cette trilogie ? Il y a une image qui est pas mal, c'est la nasse, par laquelle on prend en quelque sorte l'ensemble de l'expérience inconsciente, n'est-ce pas ? Mais il est extrêmement important, de même que chez Kant, si vous mélangez l'entendement et la sensibilité, vous dites des bêtises. Donc, il est essentiel de voir cette logique, n'est-ce pas ? Tout est de l'ordre de l'imaginaire, tout ce qui fait que j'ai un rapport à moi, à mon petit autre, pas l'objet petit A, hein, dont on parlera sans doute, qui est la grande invention de Lacan d'après lui, mais ce rapport imaginaire, moi, avec moi-même, en tête à tête avec moi-même. Mais l'enfant, dès lors qu'il se tourne vers la mère, vers un autre majuscule, pour prendre à témoin quelqu'un d'autre de ce qui se passe dans son imaginaire, il bascule dans le symbolique, hein. Bien sûr, Lacan, et c'est un peu désorientant, appelle grand autre des éléments assez divers, mais il faut bien distinguer la minuscule de la majuscule. Hein. Alors, n'allons pas trop vite, on va arriver au grand autre et au petit a, effectivement, oui. Qui sont des formules inventées par Lacan qui vont nous permettre de nous familiariser avec sa langue. Restons sur cette trilogie réelle, imaginaire, symbolique. Pour bien la comprendre, il faut savoir qu'elle se rapporte au moi, c'est ça, le moi imaginaire, le moi symbolique ou le moi réel ? Ah non, d'abord c'est une nasse avec laquelle il prend le poisson de l'inconscient, si je me permets d'ajouter. Donc c'est pour saisir l'inconscient. Voilà, pour saisir l'inconscient. Lacan va jusqu'à dire que l'inconscient est de lui, Lacan et pas de Freud, alors qu'il, évidemment, il prend tout de Freud d'une certaine manière. Il veut dire par là, non pas que c'est lui qui a inventé la psychanalyse, mais que l'inconscient est une structure et que peut-être Freud n'a pas dit comme ça. Enfin, parce qu'il y a chez Freud toute cette métapsychologie qui n'a plus de statut fondamental chez Lacan. Lacan est un grand lecteur de la métapsychologie, mais il ne parle pas en termes de processus psychique, il parle en termes de processus signifiant. Mais il y a d'un côté les pouvoirs de l'image, hein, qui commencent avec le miroir, et le pouvoir du langage. C'est pas la même chose d'être « moi » subjectivé à partir de l'image. Au fond, quand j'attrape à partir de 6 mois, parfois à partir de 4 mois, mon image, je tombe amoureux de moi-même et je suis dans l'imaginaire. C'est tout à fait différent que d'être un sujet parlant. Alors, par quoi voulez-vous qu'on commence ? L'imaginaire, le réel ou le symbolique ? Alors, normalement, il faut commencer par l'imaginaire. Donc, le stade du miroir ? Le stade du miroir. Bon, on écoute le texte alors de Lacan qui décrit le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu. Du jeu, J-E. Lui par Vincent Schmitt. Le petit d'homme, à un âge où il est pour un temps court, mais encore pour un temps dépassé en intelligence instrumentale par le chimpanzé, reconnaît pourtant déjà son image dans le miroir, comme telle. Cet acte, loin de s'épuiser comme chez le singe dans le contrôle une fois acquis de l'inanité de l'image, rebondit aussitôt chez l'enfant en une série de gestes où il éprouve ludiquement la relation des mouvements assumés de l'image à son environnement reflété et de ce complexe virtuel à la réalité qu'il redouble, soit à son propre corps et aux personnes, voire aux objets qui se tiennent à ses côtés. Cet événement peut se produire depuis l'âge de 6 mois. Et sa répétition a souvent arrêté notre méditation devant le spectacle saisissant d'un nourrisson devant le miroir qui n'a pas encore la maîtrise de la marche, voire de la station debout, mais qui, tout embrassé qu'il est par quelque soutien humain ou artificiel, ce que nous appelons en France un trotte-bébé, surmonte en un affairement jubilatoire les entraves de cet appui, pour suspendre son attitude en une position plus ou moins penchée et ramener, pour le fixer, un aspect instantané de l'image. Il suffit de comprendre le stade du miroir comme une identification, au sens plein que l'analyse donne à ce terme, à savoir la transformation produite chez le sujet quand il assume une image. Le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu, par Jacques Lacan. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et nous essayons de parler Lacan cette semaine et aujourd'hui pour ce deuxième temps de cette série sur Lacan. C'est le psychanalyste et philosophe Paul-Laurent Lassoune qui est avec moi en studio. Le stade du miroir, c'est Lacan qui le formalise, n'est-ce pas, qui le présente comme tel, et celui-ci appartient à l'imaginaire. On a distingué ensemble la trilogie réelle, imaginaire, symbolique, ou spéculaire, voilà. Qui permet de définir, de saisir l'inconscient comme une nasse, c'était votre image. Et vous avez dit, je vous ai dit par quoi commençons-nous, vous me dites, normalement, on commence par l'imaginaire. Pourquoi normalement? Parce que chronologiquement, c'est ce qui se fait en premier quand l'enfant se regarde ou... Et voilà, c'est par là que ça a commencé, tout a commencé. Attention, le miroir, c'est connu, le rôle psychologique du miroir, depuis Baldwin au début du XXe siècle. Ça a été repris par le dernier grand psychologue qui est Henri Vallon. Voilà, de temps où il y avait vraiment une psychologie générale, n'est-ce pas? Mais Lacan fait quelque chose de plus. Il fait de cette expérience du miroir, et d'un stade, quoique stade ça fait un peu psychologie du développement, hein, il en fait la constitution même de la subjectivité. Je donne souvent cet exemple-là, si un pédiatre, quand il vous demande comment va votre enfant, tout va bien, oui, si vous lui dites il se nourrit bien, etc., et puis, tiens, il se regarde dans le miroir. Lui, le pédiatre, va dire, eh ben, il a du tonus. Ben non. Le moi est né, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'au milieu même du développement, on voit apparaître cet élément essentiel. Dans ce beau texte, Lacan montre bien, n'est-ce pas, que... Alors, c'est un point très très important. Il y a une idée qui vient d'un certain biologiste oublié, un peu loufoque d'un certain point de vue, qui s'appelait Louis Bolk, qui soutenait que l'humain avait une fonction essentielle de prématurité. Contrairement aux animaux qui sont dans la logique instrumentale, qui ont une énorme avance biologique, l'homme a un retard. Hein. Bolk parlait même de « le premier homme serait un fœtus de singe avorté ». Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'imaginaire? Eh bien, d'après Lacan, il y a par exemple un trait extrêmement important qui est le retard de la motricité. Par exemple, un enfant ne termine sa coordination motrice qu'à l'âge de 10 ans, quand il peut découper sa viande en coordonnant ses mouvements. Par contre, tout se passe comme si le petit homme compenser le retard psychomoteur qu'il a, n'est-ce pas, le handicap moteur phylogénétique, c'est-à-dire l'espèce humaine, par une hâte à s'identifier à lui-même. C'est justement parce qu'il ne peut pas acquérir une identité aussi solide que l'identité animale qu'il va se précipiter. Notre moi est une identification hâtive à nous-mêmes. Voilà. Donc c'est-à-dire que le petit enfant, voire même le bébé, s'identifie à lui-même avant d'être pleinement avant développé. Avant d'en avoir les moyens, ça, ouais. Voilà. De telle sorte, vous voyez, le moi existe avant qu'il soit responsable de ses gestes, enfin qu'il atteigne son développement psychomoteur ultime. Voilà, il se jette à la figure d'une image, il anticipe. C'est un drame dont la poussée se fait, n'est-ce pas, de cette prématuration à l'anticipation. Voilà. Pourquoi est-ce un drame ? Un drame au sens où le sujet se trouve dans cette position de compenser dramatiquement ce déficit. Et en ajoutant cet affect très important qui est l'affectivité jubilatoire. Au fond, c'est le seul moment, déjà vous voyez la jouissance, mais sous le mode imaginaire, où on dit en argot ne plus sentir, il sent plus. C'est justement parce qu'il se sent trop qu'il s'identifie à lui-même. Et à partir de là, à chaque fois que, c'est pas loin du narcissisme freudien, bien sûr, mais il y a chez Lacan, en plus de la libido du moi, la passion de l'image. Voilà. Et c'est ce qui fait donc c'est imaginaire, pas parce que c'est inventé, mais parce que c'est une image. C'est l'image du moi. C'est pas du tout une divagation, l'imaginaire lacanien. C'est la nécessité de m'identifier à moi-même. À partir de ce moment-là, je vais prendre l'habitude d'être moi, si je peux dire. Voilà. À partir de cette identification. Et c'est ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, dans toutes les expériences de ma vie psychique, dans l'apparition de l'amour, même dans l'expérience pathologique comme la manie. Hein. Voilà, c'est les moments où le sujet s'identifie de façon exaspérée, si je peux dire, à son propre moi, et apparaît ici la jubilation, n'est-ce pas, qui fait qu'en même temps il s'accroche à un semblant. Ce qui fait que contrairement au moi de la psychologie anglo-saxonne, qui est un moi adaptatif, on a là un moi du mirage et aussi de la méconnaissance, n'est-ce pas. Dans une certaine mesure, j'accroche mon être à un semblant. Mais n'oublions pas que c'est pas la dernière étape. Au contraire, c'est la première. Ouais. Au contraire, c'est le point de départ. Et naturellement, cet imaginaire, c'est le lieu aussi de tous les mirages, de tous les prestiges, hein, de tous les faux semblants. Hein. Mais si je ne m'accroche pas à ce moi, eh bien, je ne suis rien. Mais je ne suis pas encore un sujet. Et le sujet, au fond, ne naîtra, même en une certaine précarité, puisqu'il est divisé. Hein. Il y a toujours du manque, en fait. Il naîtra à partir du moment où je deviens un être parlant. Hein. Et comment passe-t-on de ce registre imaginaire, de l'image du moi à laquelle je m'identifie et qui me procure une certaine jouissance, de me reconnaître moi, tel que je suis, au stade qui est symbolique? C'est par le langage. Oui, que nous suivons, et c'est une, de bonne pédagogie, une vision diachronique, c'est-à-dire successive. D'abord l'imaginaire, ensuite le symbolique. Mais tout l'effort du Lacan des années 60, hein, c'est de créer une topologie, c'est-à-dire d'user des mathématiques, et cette forme particulière des mathématiques est la topologie, pour penser ces dimensions dans leur articulation spatiale, hein, dans un espace, qu'il écrit même N apostrophe espace. Hein, voilà. Ça, c'est un point très important. Alors, le début, je dirais, du symbolique, c'est le moment que Lacan met en évidence plus tard dans son séminaire sur l'identification, quand le petit homme ne se contente pas, ou la petite dame, ne se contente pas de jouir de sa propre image, mais prend à témoin l'autre. Et c'est pas simplement donc la personne. C'est l'irruption de l'autre. C'est l'irruption de l'autre. Comment on pourrait traduire ça? Traduire, il ne parle pas encore. C'est une jouissance d'être non parlant. Infance, ça veut dire celui qui ne parle pas. Mais on pourrait dire, en termes d'imaginaire, tu vois comme je suis beau. Enfin, la beauté, en l'occurrence, n'est qu'un effet du prestige imaginaire. Hein. Tout enfant au miroir est beau. Voilà. Et en même temps, c'est pour prendre un point d'amarrage. C'est-à-dire que, Lacan le dit, l'enfant va décrocher dans le grand autre un trait que Freud appelait le trait unique et que Lacan appelle le trait unaire, un trait. Qu'est-ce qu'il veut de ce grand autre ? Qu'ils lui disent « oui, tu peux t'identifier à pourquoi toi-même ». Pourquoi grand autre ? Alors, grand autre parce que pour distinguer l'imaginaire du symbolique, il faut changer, il faut translittérer, c'est-à-dire changer de la minuscule à la majuscule. L'enfant, lorsqu'il apprend ses majuscules, eh bien, il est déjà un peu dans le symbolique, puisque d'une certaine façon, vous voyez, les noms propres sont dotés d'une majuscule, hein. Voilà. Donc, il y a l'autre avec un petit A et l'autre avec un grand A, c'est voilà. Ça? Voilà. Mais si vous dites petit A, il ne faut pas confondre l'objet petit A du désir dont on parlera, j'espère. Il y a encore autre chose. C'est là, on voilà. Voit qu'il y a vraiment un vocabulaire Lacan qu'il faut oui. Pouvoir maîtriser, hein. Et pourquoi Lacan joue un peu avec son air, avec toutes ces petites images? Parce que comme il n'a pas de métapsychologie, il veut, lui, faire une véritable écriture de ce qui se passe dans l'inconscient. Le petit A, au départ, c'est le petit autre que je rencontre dans le miroir, qui est à la fois moi et moi-même, qui est un double, mais un double auquel je dois m'identifier. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on bascule dans quelque chose qui est le symbolique, qui est une structure, n'est-ce pas ? Sinon, enfin, la majuscule totale, si je peux dire, c'est Dieu. Bon. Donc, le grand autre n'est pas Dieu, quoique la religion propose cette solution, n'est-ce pas, d'étayer le moi sur le grand autre, n'est-ce pas? Le lacanisme n'est pas une théologie, hein. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où je parle, je vais donner un exemple très, très basique, n'est-ce pas? Je suis en train de parler en ce moment, je convoque la langue, en l'occurrence la langue française, avec un code linguistique considérable. Là, nous parlons. Mais le grand autre est entre nous, sinon on ne se comprendrait pas. C'est quoi le grand autre? C'est le langage, là. Alors ici, c'est le langage, c'est ce qu'il appelle aussi le trésor des signifiants. C'est-à-dire que si vous mettez tous les signifiants possibles, c'est pour ça qu'on est fasciné par les dictionnaires, mais bon, voilà, où tous les signifiants sont là, eh bien vous avez ce grand autre. Je n'invente rien en tant que sujet parlant, sauf si je suis poète, par exemple, si je vais créer des effets, ou si je suis psychotique, ou je vais créer des mots inédits, voilà. Donc je peux déplacer le code. C'est très complexe, hein, mais chez Lacan, le langage n'est pas simplement communication. La communication est importante, mais il y a cet énorme grand autre qui est au fond en même temps l'inconscient, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que je puise dans cette dimension qui fait que le grand autre est convoqué chaque fois qu'il y a un acte inconscient, n'est-ce pas ? Alors, comment résumer ça rapidement ? Lacan va... Vous voyez que Lacan, qui est très centré sur Freud, est un grand nomade, parce qu'il va chercher chez Ferdinand de Saussure, hein, ce Suisse francophone, linguiste... Enfin, qui invente la linguistique. Voilà, qui a écrit ce très beau cours de linguistique générale au début du XXe siècle, qui a quand même été assez longtemps méconnu, qui est découvert en France, notamment dans les années 50, il faut le dire. Et Lacan se précipite pour trouver chez Saussure toute la question du signifiant, hein. Quitte à, c'est difficile de faire un exposé du cours de linguistique de Saussure, mais il va, en même temps, comment dire, il y a un certain dévoiement de Saussure. Dévoiement, c'est pas péjoratif. Ce qui l'intéresse, c'est pas la linguistique en elle-même, la langue de la linguistique. D'ailleurs, les linguistes peuvent très bien ignorer l'inconscient. Mais cette forme linguistique très particulière qui donnera la formule célèbre, l'inconscient est structuré comme un langage. Pas le langage, mais comme un langage. Certains y ont vu une sorte de linguistisme, mais Lacan, à un certain moment, dit bien qu'il a eu une période de linguisterie. Mais c'est une période nécessaire pour enraciner l'expérience freudienne dans la linguistique. C'est-à-dire, c'est comme si, comme M. Jourdain, aux yeux de Lacan... Dans le bourgeois gentilhomme de Molière. Ouais. Voilà, Freud serait un linguiste sans le savoir. Qu'est-ce qu'il fait, Freud? C'est un génial linguiste de la langue inconsciente. Voilà. Et il décrit un rêve, un acte manqué, un symptôme, hein, un mot d'esprit, comme ces effets-là, n'est-ce pas? Alors, j'ai tôt fait m'apercevoir, dit Lacan, dans les années 70, qu'on entrait dans la linguistique, mais une linguistique locale, j'ai envie de dire, dès lors qu'on entre dans l'inconscient. Hein. Donc, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a toujours des dégâts collatéraux d'une innovation, c'est de résoudre, comment dire, si les gens entendent par langage quelque chose qui n'est pas de la libido, qui n'est pas de la pulsion, c'est évident que c'est une régression. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de signifiants dans le rapport au désir. Et dès lors que l'homme est... C'est même une déviation, le langage. Dès lors que l'homme n'est pas un être parlant, dès que je rentre dans le langage, d'abord, je perds quelque chose de la jouissance animale, mais je garde... Alors, ça résume bien les choses. Une inventivité imaginaire exceptionnelle, auquel le chimpanzé n'a pas le droit, mais aussi le langage, qui est un symptôme, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on peut regretter d'avoir été exilé de la condition animale, mais c'est fait, quoi. Hein, depuis que le larynx, qui servait à respirer, sert à parler... Je suis donc immergé dans mes signifiants et l'inconscient lacanien n'a de sens, n'est-ce pas, qu'à émerger du fait de langage, du fait linguistique. Il faut reconnaître que Freud ne le dit pas comme ça. Il y a chez Freud une théorie du langage et il parle tout le temps du langage avec la cure analytique, mais il ne dit pas, n'est-ce pas, il n'a pas cette conception un peu transcendantale du langage et c'est ça l'originalité lacanienne et c'est ça aussi l'originalité de sa coupure. Le moi prend conscience de lui-même à travers son image dans le miroir, comme l'enfant qui se mire pour la première fois et, oui, et jouit de se voir. L'inconscient est structuré aussi par l'entrée dans la dimension symbolique, qui est celle du langage. On voit que d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément une succession chronologique, puisque l'enfant entend le langage dès sa naissance, même quand il est encore dans le ventre de sa mère. Il est dans un bain de signifiants. Voilà, dans un bain de signifiants, en même temps qu'il est dans le liquide amniotique. Oui. Et il manque un terme ici, on parle d'imaginaire, de symbolique. Où est le réel? Est-ce que ça veut dire déjà, un, que ces deux aspects ne sont pas réels? Et si c'est le cas, où se situe-t-il? Distinguons bien la réalité du réel, d'abord. Alors, c'est vrai que dans le langage courant, réel, c'est l'adjectif correspondant à réalité. Quand je dis chez réel, réel comme Thomas, n'est-ce pas, qui veut, l'apôtre qui veut toucher les plaies du Christ, hein, y a, voilà, c'est le réel de la réalité. Alors, le réel chez Lacan, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est quelque chose, comme d'habitude. Voilà qui va nous aider. Et oui, c'est, alors, il dit, c'est quelque chose, le réel, n'est-ce pas, qu'on ne rencontre pas. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas là où on cogite. Voilà. Ce qui veut dire que le réel est quelque chose d'absolument brut. C'est pas quelque chose qui est pensable, n'est-ce pas? D'abord, je peux dire, c'est le déchet de l'imaginaire et du symbolique, déjà. C'est ni quelque chose qui peut être imaginarisé, dont je puisse avoir une image, ni quelque chose que je peux symboliser comme le langage, un père, le symbolique, la loi. Voilà, ça, tout ça, c'est du symbolique. Il aurait fallu avoir le temps de le détailler, mais tout ça, c'est du symbolique, la culture. Voilà. Par contre, c'est quelque chose qui revient, j'ai envie de dire bêtement, mais obstinément, toujours à la même place. Vous voilà. Avez parlé de déchets. Oui, déchets par rapport à l'imaginaire ou au symbolique. Au sens premier, des choix, ça tombe oui, de ça. Alors, si vous le prenez, vous voyez, il faudrait quelque chose, une cinétique, n'est-ce pas? Si vous l'abordez du côté du moi imaginaire, quand j'ai une image, ça me soutient, je suis moi. Mais le réel, c'est quelque chose de brut, qui ne passe pas par l'image. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, les psychotiques qui ratent leur entrée dans l'imaginaire hein, sont confrontés à un réel sans image. Hein. De même que les psychotiques qui ne sont pas dans la position de l'Œdipe qui rend possible la symbolisation, n'est-ce pas, ne disposent pas de cette structure symbolique qui fait qu'ils ont du réel pur. Donc le réel, c'est ce qui échappe aux mailles du filet, aux mailles de la nasse dont vous parliez tout à l'heure? Oui, mais c'est ce qui revient sans arrêt à la même place. C'est très compliqué chez Lacan parce qu'il y a une dizaine j'énumère, surtout pour en voir l'inventaire. Chez Lacan, l'une des difficultés, c'est qu'on lire un texte et vous avez une définition du réel, c'est pas l'autre. Mais le point il finira par l'appeler l'impossible. Mais il prend aussi des exemples physiques. Je vais vous donner un exemple tout simple. Les physiciens savent, par exemple, que l'univers peut être toujours plus chaud, mais qu'il y a une limite au froid. C'est-à-dire à moins 273 degrés Celsius, il peut pas faire plus froid. C'est déjà pas mal, ça fait froid dans le dos, moins 273 degrés Celsius. Mais pourquoi est-ce que l'univers a décidé que ça s'arrêtait là? Il y a un chiffre. Et Lacan dit, ben c'est le réel. Voilà. Alors bien sûr, c'est peut-être le concept le plus énigmatique, mais c'est ce qui explique que c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Pourquoi le Big Bang ? Pourquoi à un certain moment il y a cette opportunité ? Donc le réel, c'est ce qui s'impose à moi ? Oui, mais c'est ce qui s'impose à moi. Et alors que la réalité, c'est quelque chose, c'est paradoxal, mais la réalité, c'est quelque chose qui me fait tenir, que je peux, dans une certaine mesure, imaginariser. Ce que j'appelle la réalité, c'est ce qui me permet d'être dans le monde. Le reste, c'est quelque chose qui peut surgir de nulle part et qui revient toujours à la même place. Voilà. Alors, évidemment, Lacan donne des exemples très différents. Une hallucination, par exemple. C'est pas simplement une fausse perception, comme le disait la psychiatrie. Demandez à un psychotique ou à un halluciné si c'est pas réel une hallucination. C'est même plus vrai que nature. C'est même plus vrai que nature, n'est-ce pas? D'ailleurs, certains psychotiques disent, mais moi j'y crois pas aux voix, mais elles semblent croire en moi. Donc, vous voyez apparaître là l'apparition erratique d'un réel qui vient trouver la réalité. Voilà. Qui vient trouver la réalité. Et du coup, chaque fois que je vais avoir une expérience, d'ailleurs, le trauma, qu'est-ce que c'est que le trauma ? Le trauma, c'est un événement insensé qui, à un certain moment, vient découper la continuité imaginaire que j'ai de la réalité. C'est ce à quoi je ne m'attends pas. Et qui va faire trou dans la réalité. Voilà. Mais le réel, c'est aussi le moment où je peux... Enfin, il faut avoir une endurance à la pensée du réel. Il y a une idée de Freud, d'ailleurs. Donc ça s'apprend, ça. Oui. On peut devenir endurant à la pensée du réel. Les gens n'aiment pas le réel. Enfin, voilà, on peut le dire comme ça. Les gens n'aiment pas le réel. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur raconte des histoires. Même quand il y a une référence à la science, ils veulent un récit mythologique, on peut me raconter la belle histoire du Big Bang. Oui, mais vous dites bien que le réel ne s'oppose pas à la fiction, s'oppose à la réalité. La fiction s'oppose à la réalité, mais pas au réel, puisque la fiction est tout aussi réelle. Tout à fait. Mais le réel, il y a par exemple chez Freud, c'est sa grande vertu, un courage, un désir de réel. De réel, enfin voilà. C'est pas, dit-il, ce qui est le plus accommodant, avantageux pour la vie, ça serait l'imaginaire, hein. Mais on a besoin de ça aussi. Vous imaginez, un réel permanent, ça serait un traumatisme chronique. C'est pas ça. Mais la passion du savoir, c'est la passion du réel, pas de la science-fiction, quoi. Quoique la science-fiction puisse être intéressante, bien sûr. Mais c'est ce point-là. Et c'est pour ça que, chez Lacan et chez Freud, on trouve cette espèce de passion du réel qui fait que... Alors, je vous donne encore un exemple qui est... Après, si on a le temps, on pourra unifier tout ça. Les lecteurs pourront tenter d'unifier en lisant les textes. Par exemple, Lacan imagine une situation... Je suis baigné de réalité de la ville, je me retrouve à la campagne, et puis la nuit tombe, et là vous savez, il y a un moment très important qui est la paix du soir. La paix du soir, c'est le moment où le dernier oiseau se tait. Et à ce moment-là, dit Lacan, je me sens bien, mais plus que bien, j'ai l'impression que le dedans et le dehors sont confondus, et la nature est là, comme une voix qui me dit, ah, on est bien, c'est la paix du soir. Voilà que le réel fait son entrée. Il parle de ça à propos des psychoses, pour donner une petite idée de ce que vivent les psychotiques, sauf que là, c'est pas un vécu psychotique, mais c'est tout le moment où je suis débordé d'une certaine manière dans ce réel. Donc pour le meilleur et pour le pire, ce réel. C'est-à-dire, voilà. Dans l'exemple de la paix du soir, c'est un moment de plénitude, alors que dans l'exemple du psychotique, c'est un moment de cauchemar. Oui, il y a des gens qui sont pas capables de se confronter au réel, de l'endurer d'une certaine manière. Ils veulent qu'on leur raconte une histoire qui le voile. Oui, mais quand vous parlez des hallucinations, du cas des psychotiques, c'est pas une question de volonté. Là, ça s'impose à eux. C'est une maladie. Bien sûr. Donc, il suffit pas de vouloir voir le réel pour y arriver. Oui, mais voyez, ils entendent des messages qui viennent directement du grand autre, qui leur parle dans les tympans. Vous savez qu'en plus, les hallucinations vocales sont pas vocales, elles sont insonores. Hein, elle renvoie des hallucinations psychomotrices qui fait que le sujet esquisse une parole, mais cette parole, il ne la prononce pas, elle lui revient de l'extérieur comme réelle. C'est une question psychiatrique extrêmement complexe. Vous voyez. Mais juste pour dire que c'est pas comme ça qu'on va comprendre à fond les choses. Déjà, les repérer, c'est pas mal. Oui, on les comprend déjà mieux. Oui, mais c'est l'idée de Lacan, c'est pas d'avoir une clé qui ouvre tout. C'est à partir de là de se servir de ces opérateurs pour comprendre comment fonctionne l'inconscient. Alors, je termine par où j'avais commencé, c'est-à-dire, Freud, lui, n'a pas cette trilogie. Bon, il dit même à un certain moment qu'il met une peau de banane sous le pied de Freud, qui est le réel, vous voyez, parce que Freud ne parle jamais du réel en tant que réel. Il a des topiques, Freud, il a aussi des tripartitions, le moi, le ça, le surmoi, etc. Mais comme il dit, ces trois ne sont pas les miens. Non. Ces trois, voilà. On voit que retour à Freud, mais jusqu'à un certain point. Freud dit aussi que le réel est inconnaissable, sauf que, c'est au sens scientifique classique. Alors, allons encore plus loin dans votre direction, Paul-Laurent Hassoun, à la suite de Lacan. Vous avez dit le réel, c'est ce qui revient. C'est ce qui se répète. C'est un retour. C'est un retour. Eh bien, écoutez Lacan, dans sa conférence du 25 juillet 1973, parler de cette répétition en faisant le lieu d'un certain rapport à la jouissance. Que chacun fasse référence à sa vie parmi ceux qui m'écoutent. Est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui se répète? Un certain mode du jouir. Le jouir de l'être parlant que vous êtes tous qui m'écoutez s'articule. Et c'est même pour ça qu'il va au stéréotype. Mais un stéréotype qui est bien le stéréotype de chacun. Sur France Culture, cette semaine à 10h le matin, dans les chemins de la philosophie, vous apprendrez des nouvelles choses sur vous-même chaque jour, je crois, en tout cas cette fois-ci, Paul-Laurent Hassoun. C'est assez formidable cette phrase. Il y a quelque chose qui se répète dans la vie de chacun. C'est ça qui est le plus lui. Et c'est un certain mode de jouir. Comment passons de la répétition à la jouissance? Parce que forcément, là, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui se répète le plus chez moi? Qu'est-ce que ça dit sur mon mode de jouir? Enfin, c'est l'une des caractérisations de la jouissance. Mais en effet, il y a un lien extrêmement profond, déjà chez Freud, sauf que chez Freud, il n'y a pas d'instance de la jouissance. Et chez Lacan, c'est pour ça que dans mon Que sais-je, j'insiste beaucoup sur les dates, pour aider les lecteurs à dire, voilà, c'est seulement en 58 que la jouissance se pointe, si je peux dire, chez Lacan. Et il en a de plus en plus besoin. Pourquoi? Partons de Freud. Chez Freud, il y a quelque chose qui s'appelle la pulsion de mort. Et cette expérience très curieuse, qu'il y a quelque chose qui va au-delà du principe de plaisir. Hein. C'est l'arrière-plan de ce que dit Lacan, quand même. Parce que parfois, il ne cite pas Freud au moment où Freud serait nécessaire. Voilà. Le plaisir, c'est clair, il y a mon principe de plaisir, et je cherche à répéter la satisfaction. Hein. Mais je peux avoir aussi une satisfaction de la répétition elle-même. Voilà. Même quand c'est déplaisant. C'est pour ça que dans la jouissance, en français, comme en allemand d'ailleurs, Genuss, c'est un plaisir très intense. Alors que la jouissance chez Lacan, et chez Freud, sauf qu'il n'appelle pas la jouissance, c'est, n'est-ce pas, quelque chose qui est au-delà du principe de plaisir, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui fait que je répète quelque chose et que je prends plaisir à cette répétition en tant que telle. Même quand elle est négative, même quand elle me nuit. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un versant, d'ailleurs, qui est très net ici, qui est de l'ordre d'une certaine érotique, hein, comme il l'évoque dans ce passage. Mais c'est aussi le moment où le sujet répète le pire. Il y a des sujets qui transforment leur vie en une entreprise de démolition, hein, en jouissant. Voilà. La jouissance, une clinique de la jouissance demanderait évidemment des heures, mais la jouissance, c'est quand le sujet, d'abord on jouit de parler, hein, mais la jouissance, c'est essentiellement dans le corps. Et quand je parle, même si j'ai un plaisir à parler, mais c'est autre chose, la jouissance pure de la parole, qu'on expérimente d'ailleurs dans la séance analytique, hein, c'est quelque chose... Ou à la radio. Voilà, tout à fait. Qui est différent du réel du corps. Il n'y a rien de plus réel que le corps, dit Lacan. Ça semble un lieu commun. Non, il veut dire par là qu'un corps, ça se jouit. On peut pas dire, on peut rien dire de mieux que le corps, pas le corps de la médecine, mais du corps proprement pulsionnel, que le fait qui se jouit. Et dès lors, naturellement, ça change le, si je peux dire, le rôle directeur du principe de plaisir. Alors, c'est à la fois quelque chose d'aliénant et quelque chose dans lequel je suis tout entier. Mais c'est ça, en fait, quel est le lien entre la répétition et la jouissance? Est-ce que je jouis de quelque chose parce que cette chose se répète? Ou est-ce que c'est la répétition elle-même qui est jouissive? Vous posez très bien le problème. On peut dire d'abord, c'est le second point, hein, c'est-à-dire c'est la répétition qui donc est jouissive. Oui, alors ça va à l'encontre de ce qu'on pense de la répétition comme lieu de la lassitude, oui. Justement. Pourquoi voulez-vous qu'un traumatisme soit si insistant? Sinon par le fait qu'au cœur du traumatisme le plus atroce, je rencontre quelque chose qui est ce que Lacan appelle aussi un drôle de plaisir. Voilà. La jouissance, c'est un drôle de plaisir. Hein. Quelqu'un nous dit... Ça, c'est insupportable à entendre pour un traumatisé, j'imagine. Bien sûr. Il faut avoir du plaisir dans mais c'est à l'expérimenter qu'il peut en sortir. Voilà. Ça. Hein. Voilà. C'est ce point où, brusquement, ma vie est suspendue. Je vais prendre un exemple, un pas trop traumatisant, mais quand même. Quelqu'un qui, à un certain moment, a très peur d'être électrocuté. En effet, il tient à un certain moment une prise et puis qu'il le lâche. Il en sort. naturellement, c'est un ouf de soulagement. Mais ce sujet peut très bien dire ce que moi j'ai entendu, n'est-ce pas? Et je sais pas pourquoi, hein, qui peut le dire très naïvement, vous voyez? Et je sais pas pourquoi, mais en même temps, ça me fascine ce qui s'est passé là. Il voudrait y retourner. Or, c'est jouer avec sa vie. Ce qui veut dire que l'inconscient, c'est pas simplement l'autoconservation de la vie, ni même du désir, ni même du père qui nous embête, mais qui est dans la vie. Il y a le père et il y a le pire. Voilà. Mais bien sûr, j'entends l'auditeur qui dit, mais à la fin, ça fait plaisir ou pas, hein? Eh ben, c'est un drôle de plaisir. Et on peut penser à la cigarette, par exemple. Mais oui. C'est-à-dire, si on était guidé uniquement par le principe de conservation et de plaisir, personne ne se nuirait à lui-même. Il n'y aurait pas de drogue, il n'y aurait pas de consommation répétitive d'une cigarette, par exemple. Tout à fait. L'addiction est un concept comportemental, une dépendance, mais c'est aussi la répétition d'un plaisir. Ce qui fait que quand on dit à un tabagiste, par exemple, ne fumez pas, ça nuit gravement à la santé. Ben justement, c'est peut-être de ça que la personne jouit, non? Oui, alors... Attention, on ne jouit pas directement de la mort, mais d'une certaine manière, déjà pour ces sujets, je parle des grands tabagistes, la vie est irrespirable. Le fait de s'enfumer les poumons, c'est le prix, le coût de quoi? Pas pour la santé, mais pour la jouissance. Hein, voilà. Et de ce point de vue-là, naturellement, ça donne une toute autre dimension à la théorie de cette jouissance. Lacan a bien réalisé que... Alors, la jouissance, du coup, elle a un aspect imaginaire, jubilation. Un aspect symbolique dans la mesure où il peut y avoir une jouissance de la loi. Dans le désir lui-même, il y a un appoint de jouissance. Hein? Et enfin, c'est le réel. C'est pour ça qu'il dit, une formule philosophique, je terminerai par là sur la jouissance, il n'y a d'ontique avouable par nous que de la jouissance. Alors, la ontique, c'est la théorie de l'étant. Ça veut dire que notre être même, notre être empirique, il consiste dans la jouissance elle-même. Mais voyez, c'est assez difficile, Lacan, parce que la jouissance, on peut pas la projeter comme ça facilement dans la trilogie. C'est quelque chose qui est la façon dont on se soutient dans notre vie. Enfin. Et qui peut-être nous apporte parfois un peu de satisfaction. Autre émission à faire sur la différence entre jouissance et satisfaction, s'il ne faut pas une absence de satisfaction pour que jouissance puisse jaillir, c'est le cas de le dire. Vous reviendrez en parler, Paul Laurent, à ce micro. Je renvoie d'ici là les auditeurs à tous vos livres, et ils sont nombreux, qui parlent de beaucoup de concepts psychanalytiques, certains de Lacan, et notamment ce que sais-je sur Lacan, qui est extrêmement clair et qui pourra permettre aux auditeurs d'aller encore plus loin dans la compréhension du langage Lacan. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la philo, aujourd'hui, vous partez d'un problème classique en philosophie. Et oui, il y a des problèmes comme ça qui semblent nous coller à la peau. Chacun y va de sa solution. Peu importe l'ère du temps ou l'avancée des sciences, rien ne semble le résoudre. C'est le cas en philosophie de plusieurs problèmes, mais d'un problème en particulier, le dualisme, soit le problème corps-esprit. Pourquoi serait-il deux entités opposées mais unies? Qui a le pouvoir sur l'autre? Le cerveau siège l'esprit, n'est-il pas un corps? Et le corps, lui, peut-il penser? Alors aujourd'hui, ce n'est pas un philosophe qui s'y attaque, mais l'écrivain et essayiste américaine Siri Husved, dans un essai qui paraît en français demain, « Les mirages de la certitude », alors, parviendra-t-elle à régler ce problème? Vous savez que je vis peu en France, encore moins à Paris, où je vois tant de personnes qui se trompent en leurs opinions et en leurs calculs qu'il me semble que c'est une maladie universelle. Chacun y paraît attentif à son seul profit. Mais cela, je le vois, n'est encore qu'une vérité incomplète, puisque vous êtes là, vous, mes amis, vous, mon cher Mersenne, dont l'amitié me réchauffe et me montre que je ne suis pas tout à fait étranger en mon propre pays. Tout commence pour Siri Özvet par des questions. L'esprit commence-t-il à la naissance pour finir à la mort? Où exactement l'esprit est-il situé dans le corps? Le cerveau est-il seul à penser? Et tout commence aussi, bien sûr, par Descartes que l'on vient d'entendre. Sauf que Siri Özvet ne se le représente pas en plein discours de la méthode devant ses pairs, mais, je cite, installé dans un fauteuil moelleux, vêtu d'une robe de chambre en brocart de velours et coiffé d'un bonnet de nuit, des pantoufles aux pieds et des binocles sur le nez. Et ce qu'elle retient ainsi de lui, c'est moins ses certitudes sur le dualisme que son doute. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant ici avec la démarche de Siri Özvet. Elle ne veut pas atteindre une certitude sur le problème corps-esprit, mais questionner toutes ses facettes, nommer toutes ses tensions, incarner une problématique rendue abstraite par les philosophes. Siri Özvet atteindra-t-elle ainsi la vérité sur le corps et l'esprit en faisant précisément ce que n'ont plus fait les philosophes, c'est-à-dire revenir aux questions les plus quotidiennes et naïves? On a l'habitude de voir les ordinateurs sous cette forme, c'est-à-dire des armoires à l'intérieur desquelles il se passe quelque chose. Mais on voudrait bien savoir ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne? Eh bien, je vais essayer. Je pense qu'il faut tout de suite éviter de parler de cerveau électronique. Un ordinateur, c'est des fils, c'est de la ferraille, c'est des plaques de circuit imprimé, c'est des transistors et des résistances. Par conséquent, rien qui fait penser quelque chose d'extrêmement complexe, comme un cerveau humain, par exemple. Mais pourtant, c'est quelque chose de merveilleux, et c'est merveilleux tout simplement parce que ça peut exécuter très vite des choses extrêmement simples. Nos gènes sont-ils libres ou sommes-nous constitués de molécules programmées façon ordinateur? L'esprit a-t-il besoin d'humidité, de sang et de placenta pour se développer? L'identité génétique des jumeaux est-elle physique et psychique? Le cerveau est-il rigide ou malléable? A-t-il un sexe? Eh bien, autant le dire, vous ne trouverez pas de réponse ni de définition définitive dans ce livre, mais bien une déclinaison de situations précises et de possibles qui surgissent à travers la voix singulière de Siri Özvet. N'est-ce pas d'ailleurs le meilleur moyen de suivre le chemin de l'esprit et du corps, de leurs relations et de leurs épreuves? En choisissant d'analyser sous toutes ses coutures avec chair et en partant de situations à portée de main le problème du dualisme, Siri Özvet prend le parti, là aussi oublié par les philosophes, du jeu, de l'expérience personnelle, de son imagination et de son désir. Par exemple, qu'est-ce que l'esprit? Eh bien, autant d'abord demander à ses amis. Suis-je comme une poupée? Eh bien, autant se souvenir de ses peurs, petits, quand on avait l'impression que ces poupées s'animaient la nuit. Ou encore, de quoi est fait l'esprit? Eh bien, autant demander à ce que l'on fait dans sa vie. Cette énergie qui animait les corbeaux, les laboureurs, les chevaux et même, semblait-il, les maigres collines aux arêtes dénudées, faisait volter la phalène de part et d'autre de son carré de vitre. On ne pouvait s'empêcher de l'observer. On avait, en fait, conscience de l'étrange sentiment de pitié qu'elle inspirait. Les possibilités de plaisir semblaient ce matin-là si énormes et si variées que le destin de la phalène, et d'une phalène diurne par surcroît, paraissait misérable, et pathétique son ardeur à épuiser les maigres plaisirs qui étaient son lot dans la vie. Siri Özvet est romancière et elle le rappelle. Une de ses références, c'est par exemple Virginia Woolf, à qui l'on doit d'avoir restitué les ambiguïtés de la conscience. Le mouvement d'une phalène, ici décrit, eh bien où a-t-il lieu? Existe-t-il indépendamment de nous? Qui ou quoi le perçoit, l'organe de l'œil ou la conscience? La littérature est une autre manière de se pencher sur ce problème corps-esprit. Elle suppose l'incarnation et la première personne que Siri Özvet utilise. Elle suppose aussi de ne pas proposer un savoir, mais de décrire encore et encore des expériences. Et bizarrement, c'est en ne donnant aucune réponse qu'on voit que ce problème est démêlé. Paradoxalement, c'est donc en plongeant au cœur de l'incertitude que l'on en sait plus. Merci Géraldine, je connaissais la Siri Özvet romancière, je connaissais Siri évidemment à qui on pose des questions à notre téléphone, mais je ne connaissais pas Siri Özvet essayiste et ça a vraiment l'air passionnant. C'est passionnant, il faut vraiment le lire, ça paraît demain aux éditions Actes Sud, ça s'appelle « Les mirages de la certitude, essai sur la problématique corps, esprit » et c'est traduit par Christine Leboeuf. Et le livre est très beau, effectivement, vous faites bien de le signaler aux éditions Actes Sud. Donc merci, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Itis Jourda qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, David Pargamin, Maude Markiewicz, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Anthony Thomasson qui était à la prise de son, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Lacan. Parlez-moi Lacan toute cette semaine. Et bien demain, on se demandera quelle est la langue de l'inconscient. On a déjà des éléments de réponse grâce à vous, Paul-Laurent Hassoun, et à Colette Soler qui était à ce micro hier. Mais demain, ce sera le philosophe Jean-Pierre Clairaut qui viendra nous apporter de nouveaux éléments de réponse. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie, pour la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On se retrouve demain à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.